Finissez votre hiver avec le repas convivial Coup de chapeau à Haïti. Un menu typique de la perle des Antilles dans une ambiance festive et chaleureuse. Vivez l'expérience le samedi 1er mars au marché Bon Secours. Billets en vente maintenant sur admission.com. Montréal en lumière est présenté par RBC en collaboration avec Bell, en association avec La Presse Plus et CISM. Mogwai, le groupe post-rock revient à Montréal. Voyez les légendes live en spectacle le 11 mai au Métropolis de Montréal. Les billets sont en vente maintenant. Appelez le 1-855-790-1245 ou visitez evenco.ca. Ne manquez pas le groupe iconique Mogwai. Le 11 mai au Métropolis, présenté par Greenland et Evenco. Young the Giant, les vétérans d'Oshiaga sont de retour pour un spectacle au Métropolis. Le 6 mars 2014, avec invité spécial Vance Joy. Les billets sont en vente maintenant. Appelez le 1-855-790-1245 ou visitez Ticketmaster.com ou evenco.ca. Ne manquez pas Young the Giant, le 6 mars au Métropolis, présenté par Greenland et Evenco. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Jean-François Lusignan, on est lundi le 17 février. Vous écoutez l'émission Le Terminus, une émission qui est dédiée au rock indépendant. On est ensemble donc pour une heure et la liste des chansons qui va tourner pendant cette heure-là sera disponible à la fin sur le CISM893.ca. On aura d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a dans l'émission de ce soir? On a du Kill Her, Snowy Owls, Coucoupé, Fat Creeps, Snow Watt, également une vieille chanson de Swirlies. Ça, c'est dans la deuxième partie de l'émission. Non, dans 20 minutes même. Mais pour commencer, on débute avec une compilation qui sort le 3 mars, qui est une espèce de collaboration entre deux labels anglais, Rigs of Effort et Art is Art. Art is Art, je pense que c'est ça le nom. Et donc, la compilation s'appelle Art Rigs. Et là-dessus, donc, il y a plein de groupes de ces deux étiquettes de musique-là. On va entendre le groupe Joy 4 qui font une chanson qui s'appelle Born Slippery, même nom de chanson qu'un groupe qu'on connaît, Underworld, hein, qui était dans la trame sonore de Transporting, mais ça n'a pas rapport, je m'égare. Joy 4, la chanson Born Slippery, c'est ce qu'on écoute à l'instant. Bonne écoute! Change. C'était un groupe de Tel Aviv en Israël, Document, qui s'appelle leur chanson Turnstile. C'est le premier extrait d'un premier mini-album à paraître au mois de mars prochain. C'était quand même sympathique que ce groupe-là, Document, sans rien réinventer. Et juste avant, c'était un groupe qui, lui, sera en spectacle ce soir à la Casa del Popolo à Montréal. Ça, c'était Together Pangea. Et la chanson Cat Men, ça se retrouve sur leur album, nouvel album même, Badilac. Donc c'est pour ça qu'ils sont ici ce soir en spectacle pour le promouvoir cet album-là. Et ils seront également accompagnés sur scène, si vous êtes un peu intéressé par le spectacle, par un autre groupe rock garage, Moses and the Firstborn. Et il y aura aussi en première partie Phèdre qui sera là de la partie. On va continuer avec du college rock en provenance de New York. Je vous préviens, c'est un petit peu down, mais on va se rattraper par la suite. Il s'appelle Snow Hat. On va entendre la chanson Metal Warrior. Ça se retrouve sur l'album So Fat So Good qui sortait vendredi dernier. On écoute ça à l'instant. À l'émission Le Terminus, le groupe Snow Hat. I'd like to see you smile. Fat Creeps avec Comes In Loudly. Et le trio de Boston, Fat Creeps, vont sortir en mars prochain une cassette, un album complet sous forme de cassette et j'imagine numérique en même temps, sur Gnar Tapes. Donc, ils portent bien leur nom. Et c'est un label qui sort seulement des cassettes. Gnar Tapes. Sinon, dans les dernières minutes, il y avait également du coup coupé et la chanson Un cerf affolé qui s'enfuit. De l'album de Coucoupé qui est sorti l'année dernière. Et on avait commencé le segment avec Snow Hat et la chanson Metal Wire. On va continuer maintenant avec deux groupes qui auront en commun d'aimer les guitares pas mal fuzzées. Il y aura quand même 20 ans de différence entre les deux chansons qu'on va entendre. Il va y avoir dans ce segment-là Swirlies et une chanson qui remonte à 93 sur l'album Blunder Tongue Audio Button. Donc Swirlies, ce sera la chanson Jeremy Parker. Mais on commence tout de suite avec The Snowy Owls, des gens eux, qui sont de la Virginie et qui ont sorti l'été dernier un mini-album qui s'appelle Summer EP. J'ai décidé, bon, l'été s'en vient dans quelques mois quand même, de vous faire jouer tout de suite la chanson Feels Like Summer de la formation de Snowy Owls. Tout ça sur les ondes de CISM 89.3. We'll be right back. going to dump the shit, and I'll kick the shit out of any cocksucker. Ah, merci. Jusqu'à 20h, ben, c'est l'émission Le Terminus qui se poursuit. Je m'appelle Jean-François Lusignan, je suis derrière les micros à l'instant. Vous venez d'entendre la formation Swirlies et Jeremy Parker, ça c'est le nom de la chanson, de l'album Blunder Tongue Audio Button, sorti en 1993, et c'était précédé de Snowy Holes et la chanson Feels Like Summer, parce que, ben, oui, les journées allongent, j'en dirai pas plus, l'été s'en vient. On retourne en musique tout de suite avec The Field Register, une formation qui était à l'origine de Moncton, mais qui se sont déplacés au courant de leur carrière, éventuellement à Montréal. Puis, à moins de me tromper, je crois que le groupe n'existe plus parce que leur dernier album remonte à 2006, album qui s'appelle Tire and Caster. Le groupe, lui, s'appelle, je ne sais pas si je l'ai dit, The Field Register. On écoute à l'instant la chanson Ceramic. to complicate in each other's minds. Let's start the Q&A and see what we can find. Beneath the surface there are two different kinds. Constantly uncertain which is yours and which is mine. Riot Girl du groupe Kill Her qui se retrouve sur le premier album de Kill Her qui vient tout juste de sortir. En fait, c'était au début du mois de février. Et sur leur page Facebook, Kill Her disent que leur gérant, c'est Satan. Donc, très, très drôle, ce groupe-là. Juste avant Kill Her, c'était Kill Her, en fait, qui s'écrit également Kill, K-E-E-L-E-H-E-R. Donc, avant ce groupe-là, c'était Sync Tapes et la chanson Your Mouth Is On My Mind, qu'on pourrait considérer comme une chanson de Saint-Valentin, si on veut. Maintenant, dans les prochaines minutes, on va y aller avec deux chansons en français. Pour commencer, ça va être Massico, un groupe suisse qui fonde une espèce de art punk. Je vous avertis, les paroles sont pas faciles à comprendre. C'est une espèce de créole suisse mélangé à d'autres choses. Et si vous vous intéressez à Massico, ben leur premier album est sorti l'été dernier. Il est disponible sur le Massico avec un t.bandcamp.com. Et après ça, ça sera suivi d'un classique des Jovialistes. Je vous laisse la surprise. Et ben tout ça, ça joue à l'émission Le Terminus. Oh yes, c'était pas à Verdun, les Jovialistes. Le groupe était venu à l'époque, je pense qu'il y a à peu près un an et demi, ouais. Il était venu jouer la chanson ici à l'émission en direct. C'était vraiment quelque chose. Et ben, est-ce que les Jovialistes, une grande question que je me pose à l'instant, est-ce que ce serait un One Hit Wonder, hein? Parce qu'on n'a pas entendu d'autre chose de leur part depuis la sortie de leur EP en 2012. Enfin, ben, il me semble qu'ils travaillent sur du nouveau matériel, mais pour l'instant, One Hit Wonder, les Jovialistes, c'est à suivre pour connaître la réponse. Juste avant, on avait entendu Massico, groupe suisse. Je vous disais que les paroles étaient difficiles à comprendre, mais en fait, après la 15e écoute, j'ai enfin découvert qu'on parlait en gros d'une veste. Donc, si vous voulez aller réécouter cette chanson-là, massico.bandcamp.com. Dans quelques instants, Romane Blouin sera là pour l'émission Nous sommes les rockers. Je pense qu'elle a encore des invités ce soir. Restez à l'écoute. Pour retrouver la liste des chansons que tournaient ce soir, vous allez pouvoir la retrouver dans quelques instants sur le cism893.ca. Il y a également les archives toujours de l'émission sur le terminus.ca. On va se quitter avec un groupe espagnol, plus précisément de Madrid. Il s'appelle Frances. Un groupe qui s'est séparé l'automne dernier. On va entendre leur dernière chanson à vie en carrière qui s'appelle El sentido de la lucha, le sens de la lutte. Frances, on écoute ça à l'instant. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle lundi prochain, 19h, pour ben, le Terminus. Ciao! We'll be right back.